L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On est avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles! Bonjour. Oui, ça va bien. Ça va bien en plein dans le changement de site Internet. Je peux te dire une affaire que quand on n'est pas calé en informatique, c'est pas facile. mais là, ça s'améliore pas mal. Mais je pense que ça va être une bonne affaire pour les gens. Là, le nouveau, avec, on va être accessible maintenant sur les téléphones intelligents. Fait que c'est une bonne affaire. Mais je t'appelle pas pour me vanter et parler de toi. Je t'appelle pour savoir. Qu'est-ce qui s'est passé au club de golf de Saint-Prime cette semaine? On n'a pas parlé en dehors des ondes avant, mais on va se parler quand même. C'était l'interclub, je sais ça, puis vous avez bien fait. Oui, à l'interclub, ça avait lieu à Dolbeau. Ouais. Nous, on rencontrait les clubs de Chibougamau et de Dolbeau. Et on a eu le record absolu, c'est-à-dire on a ramassé 33 points sur 40. On a passé une magnifique journée. Disons que la chimie d'équipe était très présente et on était très fiers de représenter l'équipe. OK. Et t'as-tu les résultats de ce qui s'est passé à peu près? Ben moi, j'ai les résultats. Les meilleurs joueurs, oui, les meilleurs joueurs. Oui, parce que nous, c'est une compétition à 10 joueurs. OK. Alors, il y avait 10 joueurs de Saint-Prime qui rencontraient 10 joueurs de Dolbeau et de Chibougamau. C'était des formules individuelles partout. OK. Et disons que 7 joueurs sur 10 ont ramassé 4 points. Et après ça, il y a eu 2 points, 3 points. Disons que tous les joueurs ont très bien performé. OK. Maintenant, donc, bravo pour les gens de Saint-Prime. Championnat du club est passé. L'Interclub, il reste quoi? L'espèce de Coupe Rider, quoi? Oui, on a la Coupe Rider qui va avoir lieu dans quelques semaines. Mais encore ici, on a quelques activités. Comme les vendredis, on a toujours on appelle ça des mafias, c'est des compétitions avec des membres. On rejoint entre 40 et 60 membres à tous les vendredis. Okay. Demain, on a nos amis Atikamek d'Obedjouane qui viennent nous rencontrer. Qui viennent nous rencontrer, environ 100 personnes. Puis dans les prochaines semaines, je pourrais dire qu'on a encore plusieurs tournois. La température est extraordinaire. Ouais. C'est le summum de l'été. Ouais. Et au-delà de tout ça, c'est que le terrain est dans des conditions incroyables. OK. Ben c'est bravo. Mais à quelque part, ça va nuire quand même. Parce qu'on parlait avec Rémi au cours des dernières semaines, puis la mauvaise temps, c'est pas pareil. Même si on dit qu'au mois de septembre, il fait beau, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil comme en juillet, genre. Ben, c'est tout à fait vrai, parce que selon nos calculs, la dernière fin de semaine, celle qui vient de passer, c'est la dernière semaine officielle des vacances. OK. Alors, quand on regarde le mois de juillet ici, où est-ce qu'on a eu 26 journées de pluie sur 31, disons que malgré qu'on avait eu un début de saison précoce, où est-ce qu'on s'était... on avait eu un petit coussin, si on veut, au niveau financier. Mais quand tu rencontres Dame Nature, qui est en colère avec 26 jours, disons que ça gruge un peu le bord de la main. Hey Gilles, comment tu as trouvé ça ta première année comme directeur général du club de golf de Saint-Prime? Ben moi, j'ai adoré. On s'est déjà parlé, moi, j'étais un passionné de golf. Puis de travailler avec un gars comme Rémi Kertness, président, qui a énormément de compétences. Puis avec un conseil d'administration, où est-ce que... moi, j'avais pas carte blanche, mais pratiquement, il y avait une très grande confiance en moi. Et moi, je me suis plus amusé. Moi, j'étais un gars de passion. Puis cette année, là, je suis allé à fond dans ce sens-là. Et les membres, on a eu une augmentation au niveau des membres. Puis disons que la dynamique est très différente. Les gens sont heureux, sont de bonne humeur, sont fiers de venir jouer au club de golf Saint-Prime. Et de plus en plus, on a des visiteurs. Disons que le mot se passe, puis moi, je suis ravi de la saison qui vient de passer. OK, donc, puis t'as pas trouvé ça très dur du côté, parce que quoi, c'est être directeur général d'un club de golf, c'est quasiment 7 jours par semaine, là, l'été, là, tu sais. Ben, c'est pas quasiment. Ouais, c'est 7 jours par semaine. Hein. C'est 7 jours par semaine. OK. C'est 7 jours par semaine. OK. Mais ça dépend ce qu'on veut. Moi, cette année, je voulais qu'on relève la barre avec l'équipe avec qui je travaille, Jonathan, notre surintendant, Jean Grenier. On avait mis la barre haute, on avait des standards qu'on voulait, approcher. Et oui, c'est 7 jours par semaine, c'est une dizaine d'heures par jour, parfois plus, des fois un petit peu moins. Mais en bout de piste, quand les résultats sont là, puis quand les gens viennent jouer au golf avec le sourire, puis qu'ils quittent avec le sourire, on se dit que c'est une mission. OK. Donc, ça va avoir lieu prochainement, donc je veux dire. Puis là, il y a eu le Skins Game aussi, le Skins Game qui a été quand même couronné d'un bon succès, ça aussi. J'imagine que tu as fait partie de la. J'imagine que tu as fait partie de ça aussi, de l'organisation? Oui, ouais, au niveau de l'organisation, c'est sûr que comme directeur général, je suis le premier répondant. Ouais. Mais avec l'équipe qu'on avait montée autour de nous, le Skins Game, ça a été magnifique. On a eu du gros calibre, on a eu un engouement de nos membres. Je voyais des membres d'amis qui sont ici, qui ont plus de 70 ans, qui venaient voir le Skins Game. Les concours de drive se sont terminés, les longs coups de départ, environ vers minuit. Puis il y avait encore une grande foule, puis nos aînés étaient là, puis ils encourageaient. Puis quand tu vois ces signaux-là, tu te dis... Tabarouette, on s'en va dans le. J'ai su un petit peu, mais ça encore là, s'il n'y aurait pas eu. La température n'était pas de votre côté, mais s'il y aurait eu un peu de. Une meilleure température, il y aurait eu peut-être plus de monde. Parce que Rémi, au début, il divisait quasiment 2000 personnes avec les joueurs, mais déjà d'avoir eu 1300 personnes, c'est déjà fort positif. Là. Définitivement. Puis, moi, ce que Rémi, les chiffres qui a avancé, moi, j'étais tout à fait en accord avec lui, c'était très réaliste. Parce que on avait même des averses qui ont eu lieu à 2-3 heures de l'événement. Les gens appelaient pour savoir si on allait avoir les différentes compétitions et spectacles. Mais l'an prochain, on va regarder. On s'est fait un post-mortem. Ça a été fort positif. Mm. Mais je peux déjà affirmer que l'an prochain, on va arriver avec des correctifs pour améliorer. Effectivement. Ben, Gilles, je ne sais pas si ça va être avec toi ou avec Rémi. Je sais que Rémi était en forêt aujourd'hui. La semaine prochaine, il va y avoir un des deux avec qui on va parler. Ben, ça va être un grand plaisir. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.